إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، voudrais souhaiter la bienvenue à tous, soit les frères qui sont de Birmingham ou les frères qui sont en visite. Et on continue donc l'explication des fondements de la Sunna, ou sur le Sunna, qui est écrit par l'imam al-Mubajjal Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, et le récompense par le Firdaus al-A'la. Et juste quelques petits points avant de commencer dans le vif du sujet. Vis-à-vis de l'auteur lui-même, je vous ai dit que je comptais faire un cours sur l'imam Ahmed lui-même. Et c'est un cours qui a été fait par Sheikh Falah Ismail Mundakar, hafidahullahu ta'ala, qui se trouve à Birmingham avec nous d'ailleurs. Et c'est un cours qui a été fait en introduction de l'explication de Sulsuna dans une Dara Ilmiya. D'accord ? Donc je vais faire tout le tafrir parce que c'est en vidéo à la base. Et donc, Inch'Allah, j'ai presque fini. Et ensuite, vous allez voir la magnifique biographie de ce grand imam et son combat et sa patience dans la défense de la Sunna. Hein, qu'on en tire des enseignements, Inch'Allah ta'ala. Deuxième point, vis-à-vis du livre lui-même. Yani, je voudrais dire quelque chose par rapport au livre, pour vous rappeler l'importance de ce livre. On parle des fondements de la Sunna. C'est un livre, ikhwa fillah wa akhawati, que je vous conseille d'étudier, de réétudier, de réétudier, de réétudier, de réétudier. Hein? Il y a de nombreuses explications qui ont été faites. Parmi celles que je vous recommande vivement, c'est celle de Sheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidahullah ta'ala, qui est un des enseignants à l'université de Médine actuellement, et qui est un des chiouch de Médine qui sont connus pour leur attachement à la Sunna. Et il a un site internet et son explication est disponible en 10 audios. Hein, il détaille vraiment bien. Sinon, vous avez l'explication de notre noble cheikh Falah Ismail ibn Mundakar et il y a plus de 40 audios. Hein, on arrive presque à 50. Si je me souviens bien, c'est plus ou moins 46 ou 47. À la coulée, vous vérifiez, Inch'Allah. Et c'est une explication également très complète. Vous avez d'autres cheikhs également qui ont fait l'explication de ce livre-là. C'est un livre très important et son importance est d'autant plus grande dans les temps dans lesquels on vit maintenant. On a besoin de connaître les fondements de la Sunna, on a besoin de connaître les fondements des gens de la Sunna afin de s'y accrocher. Et d'être sur nos gardes quant à ce qui les oppose et les contredit. D'accord ? Donc je dis ça, c'est bien de resituer un peu le contexte, de savoir l'importance de ce genre de livre qu'on étudie. Et ici on étudie ce grand livre, fait par ce grand imam. Grand, quand je dis, c'est dans le sens, sinon il est petit en taille. Par rapport aux autres livres dans l'Aqida, comme Cheikh al-Bukhari dit, c'est un livre qui est assez résumé. En termes de grandeur dans le texte, mais dans le sens, évidemment, c'est un grand livre, et fait par un grand imam, qui est l'imam Ahmed, qu'on appelle d'ailleurs imam Ahl Sunna, rahimahullah ta'ala, l'imam des gens de la Sunna, et qui est expliqué par qui? Par un des imams de la Sunna de cette époque-ci, et c'est qui? Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la, et qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants de la Sunna qui sont morts, et préserve les vivants, et leur accorde le succès. Donc maintenant on rentre dans le vif du sujet et on est arrivé au point où on parlait toujours de la croyance des gens de la Sunna concernant le Coran. On avait dit que le Coran, et ça c'est quelque chose qu'on doit étudier par cœur, qu'on doit enseigner à nos familles, à nos enfants dès le plus jeune âge. Hein, c'est une petite phrase qu'ils doivent retenir par cœur. Al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluq. Il faut ajouter le ghayru makhluq, il faut le dire. Et on va le voir pourquoi dans un instant, Inch'Allah ta'ala. Donc Al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Et on est arrivé au point où disait Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala, qala, il fait la référence à quoi? À la parole de l'imam Ahmed Rahimahullah. Il dit, wa laysa minhu shay makhluqun wa iyyaka munadharata man ahdatha fihi. انظر كيف يؤكد. لكن هنا لما احتاج رضي الله عنه المناظرة ناظرة لما ألجأ إليها ناظر ابن أبي دؤاد وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. Donc Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى il rapporte la parole de l'imam Ahmed Kalalifes Miséricorde, il dit et rien n'en est créé. On parle de quoi ici? Du Coran. Et rien n'en est créé. Il prend garde à débattre avec ceux qui ont innové à son sujet, c'est-à-dire au sujet du Coran. Cheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah, il dit à ce sujet-là, en guise d'explication de ce point-là, il dit, regardez comment il insiste. Hein, parce qu'on parle toujours de la même chose, et l'imam Ahmed réitère ce qu'il a déjà dit, et il dit, regardez comment il insiste. Mais lorsqu'il fut dans la nécessité de débattre, alors il débattit, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est-à-dire l'imam Ahmed, et par rapport à quoi il dit ça? Par rapport à la parole sur, vous vous souvenez, sur le débat. Et Cheikh Rabi, il avait déjà parlé de ça. Hein? D'accord? Pour les frères qui n'étaient pas là, qui retournent, on a un site internet, spfbirmingham.com, qui retournent, on a déjà 5 audios enregistrés, ça c'est le 6e cours aujourd'hui, et c'est expliqué en détail. Il dit donc, mais lorsqu'il fut, l'imam Ahmed rahimahullah, dans la nécessité de débattre, alors il débattit qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'il y fut forcé, il débattit avec Ibn Abi Douad. Hein? Et il débattit avec d'autres, et ce en cas de nécessité et en cas de besoin. Et ceci en présence de ceux qui veulent accepter le prêche et accepter la vérité. Et on avait dit que c'était déjà une des conditions que Cheikh Rabi' il avait mis dans le cadre d'un débat avec quelqu'un, c'est de quoi déjà d'avoir l'ilm, d'avoir les preuves, d'avoir les évidences, ça c'est la première condition. Et deuxième condition, c'est que tu sois sûr et que tu te... Hein, que tu quoi? Voilà, c'est ça, que la personne qui... avec qui tu débats ou qui veut te parler, eh bien, elle cherche quoi? Elle cherche la vérité. Hein? Elle cherche la vérité. Maintenant, on continue dans la parole de l'imam Ahmed rahimahullah. Il dit « وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْضِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ » Et ça, c'est un point important. Et je rejoins ce que je disais au tout début par rapport au fait de ne pas s'arrêter, de ne pas s'abstenir et de dire « il n'est pas créé ». Pour les frères qui font le ha'iyya, ici le vendredi, d'Ibn Abi Daoud avec Abu Khadija, ils ont déjà vu ce passage-là. « Wala takubi al-waqfi qa'ila ». Elle ne dit pas le waqf, ce qu'on appelle le waqf, c'est le fait de s'abstenir. Je ne sais pas s'il est créé ou s'il est créé. Hein? Donc ici, l'imam Ahmed, rahimahullah, il dit « et celui qui a dit » Allahd. Et on va voir c'est quoi ça veut dire dans un instant. Allahd. On va laisser comme ça la parole. Allahd. Et on va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. Ou autre. Et celui qui s'est abstenu et a dit, je ne sais pas s'il est créé ou s'il n'a pas créé. Donc comment on comprend ce passage de l'imam Ahmed? Eh bien, Cheikh Rabi' Hafidhullah nous fait l'explication de ce point-là. Et il dit, هنا لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وحصل افتراق بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة وغيرهم نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله واللفظي به مخلوق وهي اللفظ ديسي واللفظي به مخلوق فأنكر عليهم الإمام أحمد لأنك لما تقول لفظي بالقرآن مخلوق كلمة لفظ تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفس القرآن وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به أو يلفظه المتكلم فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول القرآن مخلوق قد يستغلها لتضليل الناس لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد بالملفوظ الكلام قال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. Donc ici, Cheikh Rabi' il explique ce passage-là et je voudrais que vous fassiez attention parce que c'est très important. Il dit, lorsque la fitna, et on parle de la fitna de quoi? De khalq al-Qur'an. La fitna qui est apparue, et vous voyez le fait de simplement dire que c'est apparu, ça prouve que quoi que c'est? Que c'est faux. Parce que ce n'est pas ce sur quoi étaient les salafs. Hein? Donc, lorsque la fitna de la parole consiste à dire que le Coran écrit est arrivé, et qu'il y eut une division entre les gens de la sunna d'un côté, et les jahmites et les mu'tazilites et d'autres de l'autre côté, certains parmi ceux qui se revendiquent de la sunna sont apparus disant « Le Coran est la parole d'Allah. » Vous suivez là? Jusque-là, c'est quoi? Le Coran est la parole d'Allah. Et ma parole, le Coran est créé. Et ma parole, le Coran est créé. Vous voyez, en français, c'est pas très. Même en français, on peut voir déjà la différence. En arabe, lafzi bil Coran makhluq. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Deux sens. C'est quoi? Lafzi bil Coran makhluq. Ma parole, le Coran est créé. Hein? Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire ma parole est créée et ça peut vouloir dire le Coran est créé. Ça veut dire ma parole, le Coran est créé. Ou ça peut vouloir dire ma parole, le Coran est créé. Donc c'est ce qu'on appelle un lafd qui a quoi? Qui a des ihtimalat. Hein? C'est pour ça qu'il a dit ihtamala ici. C'est-à-dire que ça peut avoir un sens d'un côté ou le sens de l'autre. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les salafs? Et c'est ça qui est important pour nous de retenir ici. Il dit quoi? L'imam Ahmed, rahimahullah, le reproche à cela. Il dit, oui, mais il n'a rien dit de faux, il faut voir ce qu'il veut dire. L'imam Ahmed le reproche à cela. Car lorsque tu dis, ma parole, le Coran est créé, eh bien, ce mot, ma parole, le lafd en arabe, il se peut que cela veut dire que ce qui est prononcé, c'est-à-dire le Coran lui-même, et il se peut que cela veuille dire la parole elle-même que prononce celui qui l'a dit et par laquelle il parle. C'est-à-dire qu'on peut dire, on peut comprendre ça comme le Coran, hein, est créé, ou bien ma parole est créée. Donc il y a deux sens. Donc comme cela peut avoir un sens faux, et que les Jahmites et les Mu'tazilites et d'autres, parmi ceux qui disent que le Coran est créé, eh bien il se peut qu'ils l'utilisent. Qu'ils l'exploitent afin de quoi? D'égarer les gens. Hein? Et c'est pour ça que les salafs, ils sont très précis quand ils parlent. Ils sont très précis. Hein? Cheikh, il continue en disant, ma parole, le Coran est créé. Ce qui est voulu, c'est la parole prononcée. Ahmed a dit, celui qui dit ma parole, le Coran est créé, est un innovateur. C'est qui l'a dit? L'imam des gens de la Sunna. C'est pas moi. Hein? Vous voyez pourquoi? Ici? Parce qu'il peut y avoir un sens faux et un sens, hein, un autre sens. Donc qu'est-ce que les salafs ils ont dit? Ils ont fermé la porte et ils ont dit, celui qui dit ça, c'est quoi? Un mubtadi. Puis Cheikh, il continue en disant, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ. Maintenant, on parle de quoi? Ce qu'on appelle, les ulama, ils appellent quel groupe? Al-Waqifa. Hein? Ceux qui s'abstiennent. يَتَوَقَّفُونَ. Ils s'abstiennent. وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالْ لَا أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فَهَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ. أنت تقول. Ça, c'est la parole de l'imam Ahmed qu'on va traduire d'abord. Comme ça, on garde le fil. Donc c'est l'imam Ahmed qui parle ici, rahimahullah. On est donc toujours dans le quoi? Dans le matn de Usul Sunnah. Donc tout ça, ça fait partie des fondements de la Sunnah. Donc, comme il dit Cheikh al-Bukhari, chaque fois il y a wa, wa, wa, c'est ce qu'on appelle un atf en arabe. Parce qu'au début, le livre, il commence en disant wa usul sunnati indana atamassuku bima kan alihi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et puis à chaque fois, ça fait wa, wa, wa. C'est-à-dire que toutes ces masa'il-là, elles font partie des fondements de la Sunnah. أنت تقول كلام الله ليس مخلوقا. Cheikh Rabi, il dit, j'ai traduit la parole de l'imam Ahmed, hein? Non. Et c'est l'imam Ahmed, il dit, et celui qui s'abstient à son sujet et dit, je ne sais pas s'il est créé ou s'il n'est pas créé, ce n'est que la parole d'Allah. Celui qui dit cela, Cheikh Rabi, il dit, l'imam Ahmed, pardon, celui qui dit cela possède une innovation, ce qu'on appelle en arabe sahibu bid'atin. Il possède une innovation. Il a une innovation. Cheikh Rabi, il dit, toi, tu dis la parole d'Allah et il n'est pas créé. C'est ça qu'il faut dire. Et ne dis pas, ma parole, le Coran est créé. Car c'est un moyen que les gens de l'innovation vont utiliser pour arriver, hein, à quoi? que les gens de l'innovation vont utiliser pour arriver à dire que le Coran est créé et de même ne t'abstiens pas. En arabe, il a dit la taqul lafdi bil Quran makhluq لانها وسيله يتدرع بها اهل الباطل ليتوصلوا بها الى القول بان القران مخلوق وكذلك لا تتوقف. Qu'est-ce qu'il a dit après? Hein? Ijzim بان القران كلام الله غير مخلوق كما هو مقتضى القران والسنه وما عليه الصحابه والسلف الصالح ان القران كلام الله ليس بمخلوق. فاذا توقف الرجل شك في امره وهو بدعه وتجهم. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ والبدع ومنهم من يتوقف. لا بد من الصراحة, نقول القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى, ولا نقول لفظي بالقرآن مخلوق, ولا نتوقف, لا يجوز التوقف, ولا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici Cheikh Rabi حفظه الله تعالى? Après avoir dit, toi tu dis. Donc qu'est-ce que nous doit dire? Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Et Cheikh, il dit, il ne dit pas ma parole, le Coran est créé, car c'est un moyen que les gens de l'innovation vont utiliser pour arriver à dire que le Coran est créé. Hein? Et de même, ne t'abstiens pas. Affirme que le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé, comme cela est exigé par le Coran et la Sunna. Et c'est sur quoi étaient les compagnons, radiallahu anhum, jami'a. Et les pieux prédécesseurs, que le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Et ce fait pas partie de la voix des salafs d'avoir ce genre de paroles ambiguës. Les salafs, ils sont précis dans ce qu'ils disent. Cheikh, il dit, si quelqu'un s'abstient et doute au sujet de cette affaire, eh bien c'est une innovation et un jahmisme. Par rapport à qui? Al-Jahmiya, hein? C'est un jahmisme, tajahum. Lorsque cette fitna est apparue et s'est amplifiée, ce genre de paroles et d'innovations sont apparues. Et parmi eux, certains se sont abstenus. Il faut absolument être explicite et que nous disions, comme cela, le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. Point à la ligne, Cheikh, il dit. Wantaha, point à la ligne. Donc nous, ce qu'on apprend, est-ce qu'on apprend à nos épouses, ce qu'on apprend à nos parents, à nos familles, et à nos, hein, et à nos enfants, et à notre entourage, et à tous ceux à qui on peut l'apprendre, c'est quoi? Al-Qur'an, kalamullah, ghayru makhluq. Le Coran est la parole d'Allah et n'est pas créé. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut apprendre et qu'il faut garder en tête, rien d'autre. Cheikh, il dit, et pas que nous disions ma parole, le Coran est créé. Et pas que nous nous abstenions également. Il n'est pas permis de s'abstenir. Il n'est pas permis que nous disions aussi ma parole, le Coran est créé. Puis Cheikh, il continue, l'imam Ahmed rahimahullah. Il dit, وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالْ لَا أَدْرِ مَخْلُوقٌ أَوْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٌ مَا شَاءَ اللَّهُ يَتَظَاهَرُوا بِالْوَرَعِ هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدعوهم منهم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث لما توقف في القرآن قال لا أدري مخلوق أو غير مخلوق قال الإمام أحمد مبتدع ضال واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوءه منصب القضاء ولعلها رئاسة القضاء قال أحمد لا لأنه ضال. C'est lui qui s'abstient à son sujet. C'est qui parle ici? L'imam Ahmed rahimahullah, et dit, je ne sais pas s'il est créé ou s'il n'est pas créé. Et bien, Cheikh Rabi', il explique ce passage en disant, hafidahullah, masha'Allah. Il fait étalage de sa piété. Ceci a été dit par un certain nombre de gens. Ahmed les a combattus, et les gens de la Sunna les ont combattus, et les ont jugés innovateurs. Et parmi eux, Ya'qub ibn Shaybah, parmi les imams du hadith. Lorsqu'il s'abstient, il s'abstint au sujet du Coran, et il dit, je ne sais pas s'il est créé ou s'il n'est pas créé. L'imam Ahmed dit alors, c'est un innovateur égaré. Et le calife demanda conseil à Ahmed, rahimahullah, au sujet de lui donner la position de juge. Hein? Il voulait donner à cette personne la position de juge. Et peut-être la présidence de la magistrature. Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Non, car c'est un égaré. Vous voyez le mawqif de salaf? Hein? Et on parle de la sunna ici, on parle du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Faut pas trop dur ou trop ceci. Là, on parle de la sunna ici. Nous, on n'est pas dur, au contraire. On a rahma avec les gens. On leur apprend la sunna et on combat la bid'a. C'est ça le rahma. Hein? La rahma, elle, abadan, elle est dans la, elle est jamais dans la bid'a. Et elle est jamais dans la division. Elle est dans la sunna et dans le jama'a. Regardez, écoutez ce qu'il va. Sans faire exprès, j'ai anticipé ce qu'il a dit, cher Rabbi. Hein? Il se peut que quoi? Que vous vous étonniez de cela. Écoutez ce qu'il dit, cher. Wallahi Ahmed faddala an yuwaddafa al-yahud wal-nasara wa la yuwaddafu ahlul bid'a li khuturatihim. لأنهم ينخرون في المجتمع من داخله ويفسدون المجتمع وهل أضر بأهل الإسلام إلا أهل البدع وهيأهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى واليهود إلا أهل البدع كل البلاء الذي أصاب الأمة من أهل البدع حتى ابن تيمية رحمه الله يقول قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدعة وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعد قال كان سببا في سقوط هذه الدولة هذه البدعة الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي حدثت الآن. شيخ ربيع qu'est-ce qu'il nous dit? Par Allah, Ahmed rahimahullah préférait que l'on emploie des juifs et des chrétiens plutôt que d'employer les gens de l'innovation. Et c'est en raison de leur danger, car ils rongent la société de l'intérieur. Et ils corrompent la société. Et il n'est pas Et n'est-il pas que seuls les gens de l'innovation ont causé du tort aux musulmans? Et n'est-il pas que seuls les gens de l'innovation les ont préparés à tomber dans le gouffre de l'humiliation sous les pieds des chrétiens et des juifs? Tout le mal qu'a touché la communauté vient des gens de l'innovation. À tel point qu'Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit, lorsque la dynastie Umawite, ce qu'on appelle Umawiyoun, Dawla al-Umawiyya, est tombée dans l'innovation, et son leader Marwan al-Himar est tombé dans la parole de Ja'ad, c'est Ja'ad qui? Hein? Ibn Darham, na'am. Il dit, il fut la cause de la chute de cette dynastie. Ce fut la cause de la chute de cette dynastie. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans quoi? Dans le bid'ah. Cette innovation n'égale en rien les innovations qui sont apparues aujourd'hui. Donc il ne faut pas vous faire attraper par le genre de discours que, hein, il faut, le discours ikhwani, il faut, hein, le tajammu'i, le takathul wa tajammu'wa, hein. On regroupe et on augmente le nombre et on s'excuse sur ce sur quoi on est en divergence et on s'entraide sur ce qu'on est d'accord. Ça, c'est la qaïda des ikhwan muslimin, c'est la règle des ikhwan muslimin. Hein? Faut pas vous laisser attraper par ça. La sunna, elle est claire. Hein? Les gens de la sunna, ils sont distincts des gens d'innovation. La sunna, elle est distincte de la bid'a. Le tawhid, il est distinct du shirk. On peut pas regrouper entre le haq et Al-Batil. On ne peut pas recouper entre les gens de la vérité et les gens du faux. C'est pas possible. On continue dans la parole de l'imam Ahmed rahimahullah. يقول فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق إنما هو كلام الله ليس بمخلوق الذي يتوقف والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق من هذه الأصناف ومن أذيالهم وأذنابهم. Donc Cheikh Rabi, il rapporte toujours la parole de l'imam Ahmed pour plus l'expliquer. Il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, celui qui dit cela est quelqu'un qui a une innovation, comme celui qui dit qu'il est créé. Donc est-ce qu'il faisait la différence, Salaf? Il ne faisait pas de différence. Le Coran n'est rien d'autre que la parole d'Allah et il n'est pas créé. Hein? Cheikh Rabi, elle dit, celui qui s'abstient et celui qui dit ma parole, le Coran est créé, font partie de ces catégories. Et puis, il a utilisé une expression en arabe avec le mot adhyalihim ou adhnabihim. C'est pour dire qu'ils sont, hein, comme la queue d'une chose, ou l'extrémité d'une chose, le bout d'une chose. C'est-à-dire quoi? Hein? C'est quoi? Vous suivez un peu le hein? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ici? Ces gens-là qui disent ça, ils ne sont que, hein? L'extrémité des autres, le bout des autres, Annie, hein? Exactement, hein? Annie, c'est dans le sens où, quand on parle de ceux qui disent que le Coran, il est créé, hein? Et puis il y a les autres, hein? Voilà, c'est ça. D'accord? Le mot en arabe, c'est adhyalihim ou adhnabihim. C'est-à-dire, toutes ces catégories-là, eh bien, elles font quoi? Hein? Non. Maintenant, on rentre dans un nouveau chapitre qui est aussi d'une haute importance. Et c'est un chapitre ou un sujet qui fait partie des signes distinctifs des gens de la sunna. Hein? Et que donc, celui qui contredit cela, eh bien quoi? Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Et c'est au sujet de quoi? Al-imanu bi ru'yatillahi fi ad-dar al-akhirah. La croyance en la vision d'Allah dans l'au-delà. Avant de rentrer dans ce qu'il dit Cheikh Rabi' ici, Cheikh Rabi', il a un livre qui a été imprimé, hein, et que je vous recommande vivement. C'est quoi? C'est qu'il a pris un chapitre d'un autre livre et l'a expliqué. Suivez ou pas? C'est le livre de qui? Ibn Qayyim, rahimahullah. Qui s'appelle quoi? Hadi al-Arwah ila Biladi al-Afrah. Hein? Ibn Qayyim, rahimahullah, il a un chapitre concernant quoi? La vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Rabi, il a expliqué ce chapitre-là et c'est devenu un livre. D'accord? Donc si vous voulez avoir plus de détails à ce niveau-là, et tous les livres des croyances des gens de la sunna, ils parlent de ce sujet-là. Vous avez déjà vu là, dans le Ha'iyya ou pas? C'est déjà passé ce passage-là hein, sur Ru'ya. Hein? Ha'iyya, le Wasitiyya, le Tahawiyya, tous ces livres-là, vous allez trouver quoi? Qui parle de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Eh bien, on va rentrer dans ce sujet-là et on va terminer ce chapitre-là, Inch'Allah, avant de rentrer dans ce qui concerne Al-Mizan. D'accord ? Donc, on va s'attacher à étudier la vision aujourd'hui et on s'arrêtera là, Inch'Allah. On lit déjà le texte de l'imam Ahmed, rahimahullah. « وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى رَبَّهُ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أهدا. Petite faïda que Cheikh al-Bukhari dit dans son explication, vous voyez le terme ici, كما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que quelqu'un des gens de l'innovation peut venir te dire pour ceux qui ont fait du hadith? Alhamdoulilah. Hein? Vas-y. Rouya. C'est-à-dire? Naam. Que ça fait partie de quoi? Du vocabulaire chez le muhadithine pour dire que c'est daif. Il y a la shubha. Non, ici, ça veut dire qu'il a été rapporté. Ça ne veut pas dire que c'est daif. Hein? Et on va le voir. Inch'Allah. Donc, on traduit déjà la parole de l'imam Ahmed Rahimahullah. Il dit, et la foi. Hein, vous entendez? Et. C'est-à-dire quoi? L'atf, la coordination, par rapport à quoi? Les fondements de la sunna sont chez nous. Le fait de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à étudier quoi? La vision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà. D'accord? Et la foi en la vision, le jour du jugement dernier. Comme cela a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques. Et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur. Là, on va devoir détailler après, Inch'Allah. Et ça va nous permettre de tacler une choubha, si vous voulez, hein, qui est quoi? Qui est très souvent répandue par les gens de l'innovation, que ben, les sahaba, ils ont divergé dans l'aqida. Parce que s'ils te font admettre ça, qu'est-ce qu'ils ouvrent comme porte? Ben, que c'est pas un problème, donc, de diverger dans l'aqida. Hein? Donc, méfiez-vous quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Non, mais les salafs aussi, les compagnons aussi, ils ont divergé dans l'aqida. » Méfiez-vous. Qu'est-ce qu'il dit ici, l'imam Ahmed rahimahullah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Comme on a dit, on va détailler, Inch'Allah. Car cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et est authentique. Cela a été rapporté par Qatada, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et cela a été rapporté par Al-Hakam ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et cela a été rapporté par Ali ibn Zayd, d'après Yusuf ibn Mahran, d'après Ibn Abbas. Et le hadith est chez nous dans son sens apparent. Comme cela a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parler à son sujet est une innovation. Mais nous y croyons comme il a été rapporté dans son sens apparent et nous ne débattons avec personne à son sujet. Nous ne débattons avec personne à son sujet. Maintenant, il faut une explication de ça. Et bien, l'explication de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, on va voir que c'est un grand savant. Et on va rentrer un peu dans le hadith, qui est sa spécialité d'ailleurs. Et que vous voyez que, encore une fois, c'est une nasiha ici que je fais toujours, c'est que les sciences, il y a des sciences qui sont utilisées pour d'autres, ce qu'on appelle des outils. Parmi elles, il y a quoi? Mustalah al-hadith. Hein? C'est-à-dire la science du vocabulaire du hadith, eh bien, il faut un jour ou l'autre faire au moins quelques livres dans cette science-là pour savoir, pour avoir un peu de jargon dans ce domaine-là, pour pouvoir comprendre les paroles des savants. Si je vous dis mawquf, comme on va dire dans un instant, il faut savoir c'est quoi le mawquf. Hein? Lahu awham, saduq, hein? Lahu awham, marfou', mawquf, etc. La hassan, sahih. Il va parler tout ça dans un instant, inshallah. Mejhoul, c'est des termes techniques dans le Moussalah Hadith qu'il faut connaître un jour ou l'autre, au moins lire et savoir ce que ça veut dire. Comme ça, quand les savants parlent de ça et ils citent cela, bien on sait de quoi on parle. Hein? Donc, le Cheikh Rabi, il nous dit quoi ici? Il dit Qala, il répète le matin de l'imam Ahmed, puis il va l'expliquer. Wal imanu bir ru'yati yawm al-qiyamah, kama ru'ya 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-ahadith as-sihah. Taqaddama al-kalamu 'an ar-ru'ya. On en a déjà parlé d'ailleurs, vous vous souvenez ou pas? Wa anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rabbahu fa innahu ma'thurun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sahih. Rawahu Qatadatu 'an 'Ikrimah 'an ibn 'Abbas. Wa rawahu al-Hakam ibn Aban 'an 'Ikrimah 'an ibn 'Abbas. C'est qui? Les deux élèves ici que vous avez dans les Asanid ici d'Ibn Abbas, pour ceux qui ont déjà fait le livre Usul Tafsir par exemple de Cheikh Al-Uthaymin, c'est qui? C'est qui? Ouais. Vous avez fait non dans Usul Tafsir? Hein? C'est qui alors? Oh, mais c'est qui? C'est qui les noms? Parce qu'on a cité pas mal de noms. Hein? Ikrima et Qatada. رواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره. ما الاكسبيكاسيون الشيخ ربيع؟ هذه المساله حصل فيها خلاف. اكوتي بيان. هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل عفوا هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به ربه او ما راه؟ فبعض الناس تعلق بكلام ابن عباس هذا وتعلق بكلام احمد وفهموا من كلام ميهما كلاميهما أنهما يقولان إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi? Ça c'est un point très important parce qu'on va fermer la porte à une ambiguïté qu'on entend souvent. Il dit: et la foi en la vision d'Allah le jour du jugement dernier, comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques. Nous avons déjà parlé de la vision précédemment et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. Écoutez cette phrase: cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et c'est authentique. Cela a été rapporté par Qatada, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Essayez de retenir en français la chaîne de transmission. Qatada, de qui? De Ikrima, de qui? Ibn Abbas. Et cela a été rapporté par Al-Hakam, Ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et cela a été rapporté de Ali ibn Zayd, d'après Yusuf ibn Mihran. Yusuf ibn Mihran, retenez ce mot-là, parce qu'on va voir son degré dans le hadith. Yusuf ibn Mihran, d'après Ibn Abbas. Et le hadith est chez nous dans son sens apparent. Si Rabi, elle explique cela en disant, il y a eu à ce sujet une divergence. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur la nuit du voyage nocturne, ou ne l'a-t-il pas vu? Certaines personnes se sont accrochées à cette parole d'Ibn Abbas, et à cette parole de l'imam Ahmed, pour dire que quoi? Qu'il a vu son Seigneur de ses yeux. Et vous allez voir pourquoi j'ai dit de ses yeux. Certaines personnes disent ça. Et ce qui est correct, c'est quoi? C'est qu'il a vu de son cœur, avec son cœur. Hein? Ce qu'on appelle ru'ya, avec les yeux, ru'ya, al-ayy, niya, et avec le cœur, ru'ya, al-qalbiya. Retenez ces termes, la vision du cœur. Vous allez voir pourquoi je parle de ça dans un instant, inshallah. Donc je répète cette phrase pour que vous ne perdiez pas le fil. Certaines personnes se sont accrochées à cette parole d'Ibn Abbas et à cette parole de l'imam Ahmed. Quelle parole de l'imam Ahmed? Dites-le en français, c'est bon aussi. Hein? Si vous ne savez pas, c'est que vous ne suivez pas. Hein? Que? Vas-y, vas-y. Voilà, tout simplement, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu son Seigneur. Donc certaines personnes sont accrochées à cette parole-là. Et à la parole d'Ibn Abbas, qu'il a vu son Seigneur. D'accord, vous suivez ou pas? D'accord. Et ont compris de leurs deux paroles qu'ils disent, tous deux, que Mohammed a vu son Seigneur de ses yeux. Voilà, c'est ça que je disais dans un instant auparavant. Maintenant, il va rapporter une parole de Cheikh l'Islam Moutimia. Mais je vous demande de suivre un peu, parce que des fois, Cheikh l'Islam, il va rapporter la parole de Cheikh l'Islam, et des fois, c'est Cheikh Rabi' lui-même qui va parler. Hein? Donc la parole l'un dans l'autre, si vous voulez, d'accord? Donc vous suivez, et on va faire une conclusion à la fin, inshallah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit quoi? La parole d'Ibn Abbas et d'Ahmed ont été rapportées de manière quoi ? Absolue. Suivez ou pas ? C'est quoi ? Le prophète a vu son Seigneur. Est-ce que c'est détaillé ou c'est absolu ? Est-ce que c'est restreint ou c'est absolu ? On est dans le français là. Hein ? C'est absolu. Est-ce qu'il y a une restriction qui a été faite de ses yeux ? Non. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est quoi ? C'est mutlaq en arabe. Absolu. C'est pas muqayyad. Vous suivez ou pas ? C'est important de suivre. Hein ? Si vous ne suivez pas, dites-le, on répète. Hein ? Et de manière restreinte aussi. Donc, je répète cette parole. La parole d'Ibn Abbas et Ahmed ont été rapportées de manière absolue et de manière restreinte. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils l'ont dit de manière restreinte. Et on va voir qu'en fait, quand il y a un terme, une parole qui est absolue et une parole qui est restreinte, qu'est-ce qu'on fait ? Nahmil al-am al-mutlaq ala al-muqayyad. Si vous voulez, on porte la parole absolue sur le restreint. Le prophète Azam a vu son Seigneur absolu, de son cœur restreint. Donc, il a vu son Seigneur de la vision du cœur. Suivez ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a une riwaya qui rapporte de manière générale. C'est comme si je te dis un jour quelque chose de manière générale, et puis je reviens chez toi un autre jour, ou chez quelqu'un d'autre, et je l'ai dit la même parole, mais je rajoute une restriction. Est-ce que je me suis contredit ? Répondez, si vous dites que je me contredis, prouvez-le-moi, il n'y a pas de problème. Est-ce que je me suis contredit ou pas ? Non. Donc, est-ce qu'il y a une divergence ? Non. D'accord ? Le but de ce genre de cours, c'est de comprendre, d'assimiler. Hein, c'est pas de que les informations et les notions, elles passent... D'accord ? C'est important d'assimiler ce genre de notions une fois, de comprendre ça une fois et de pouvoir... afin de ne pas être victime de certaines ambiguïtés qui sont largement répandues de nos jours. Non. Oui. L'âme al-muqayyad. Tu trouves ça dans le livre de Usul. Ou l'âme al-khas, ils disent aussi les ulama. D'accord ? Tu as un mutlaq, tu as un muqayyad, tu as un âme, tu as un khas. Et ça d'ailleurs fait partie des signes des enracinés dans la science. D'accord ? Ils savent comment gérer ces textes-là, ils ont les fondements et ils savent comment gérer les textes. D'accord ? Donc je répète ce point-là. La parole d'Ibn Abbas et d'Ahmed ont été rapportées de manière absolue et de manière restreinte. C'est-à-dire qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il parle de manière générale en disant « Mohammed a vu son Seigneur. » Et il a aussi été rapporté de lui qu'il parle de manière restrictive en disant « Il l'a vu avec son cœur. » Et c'est comme ça exactement que Cheikh al-Bukhari a répondu à ça, que Cheikh Rabi a répondu à ça, que Cheikh Falah Ismail, ici dans cette mosquée, à l'endroit où je suis, sauf qu'il était sur une table, exactement là où je suis maintenant, c'est quoi ? Il a expliqué ça de cette manière-là. Il a dit quoi ? Qu'on a une fois une parole de l'Ibn Abbas qui est générale et une fois une parole qui est restrictive. D'accord ? Et donc en fait, il n'y a pas de contradiction. Et si je me souviens bien, il a dit que la parole avec la restriction, elle est dans le Moussa de l'imam Ahmed. Et Ahmed, rahimahullah, parce que quand il va dire d'accord, Ibn Abbas, on a compris. Et Ahmed alors ? Mais on va répondre. Et Ahmed, sa parole est rapportée de manière générale en disant, il a vu son Seigneur. Et sa parole est rapportée aussi en ce qu'on le comprend qu'il a vu son Seigneur avec son cœur. Vous comprenez ou pas ? Donc les deux, ils ont une fois dit une parole absolue et une fois ils l'ont dit avec cette restriction faite que c'est avec le cœur. D'accord ? Et Cheikh al-Bukhari, il a très bien expliqué ça en détail. Il a rapporté les livres, etc. Où on peut trouver ce genre de narration, etc. De l'imam Ahmed, qu'il a une autre riwaya où il fait ce qu'on appelle al-taqyid, comme on va voir dans un instant. Le terme, c'est al-taqyid, la restriction. Muqayyid, restreint. Oui, voilà. عليكم السلام والصحيح كما يقول ابن تيمية رحمه الله لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت والتقييد بالنصوص التي وردت مقيدة أصح ففي صحيح مسلم أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. Regardez ce qui encore donne plus de force à ça. C'est que dans l'authentique de Muslim, qu'on va le voir dans un instant, c'est qu'il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, a vu son Seigneur de son cœur, avec son cœur, deux fois. كما قال الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يعني مرتين. Après on va voir en fait qu'est-ce que certains mufassirs nous ont dit. Et si pour les frères qui ont l'explication de Cheikh l'Éthiopie de Sahih Muslim, vous trouvez ça en long et en large, hein, vous connaissez Cheikh l'Éthiopie quand, hein? Et bien dans Sahih Muslim, le volume 5, premier chapitre, il en parle en long et en large, il explique très bien tout cela. عائشة رضي الله عنها سئلت قالت في حديث مسروق. On va déjà traduire ce passage là et après on continuera inshallah. Est-ce qui est correct comme l'a dit Ibn Taymiyyah, c'est que rien n'affirme dans le livre d'Allah ni dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam ait vu son Seigneur. D'accord, vous suivez ou pas? Il parle de quoi ici? Quelle vision? Non. La parole d'Ibn Abbas est de lui, mawquf, ce qu'on appelle mawquf. C'est-à-dire que le mawquf et le marfou, c'est quoi la différence entre les deux? Hein? C'est quoi? Vraiment très basique. C'est quoi? Marfou, ça veut dire que ça va jusqu'au prophète, c'est lui qui l'a dit, c'est le prophète, et mawquf, c'est le sahabi qui l'a dit. Vous voyez les termes, comment ils sont importants? Hein? Mawquf, vous comprenez, mais mawquf, hein? Et marfou. D'accord? C'est vraiment de manière très succincte, revenir au livre de Mustalah pour comprendre plus en détail. Donc, on a dit quoi? Que la parole d'Ibn Abbas, elle est mawquf. Et qu'en même temps, elle est quoi? Muqayyada, elle est restreinte. Il y a le taqid, la restriction qui est faite. Hein? D'accord? Et le fait de se restreindre aux textes qui ont été rapportés de manière restrictive est plus correct. Hein, ça, regarde, on rentre un peu dans les règles. Le fait de se restreindre aux textes qui ont été rapportés de manière restrictive est plus correct. D'accord? Puis rapport, dans l'authentique de Muslim, je vous donne la référence, numéro 176. Il a été rapporté qu'il a vu son Seigneur, alayhi salatu wasalam, deux fois avec son cœur. Comme la traduction du sens de la parole d'Allah dit, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Surat al-Najm, verset 11. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit, il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Surat al-Najm, verset 13. C'est-à-dire deux fois. Et je vous assure que franchement, je ne sais pas pourquoi il dit ça, parce qu'on va voir dans un instant qu'en fait, c'est la vision de qui? De Jibril. Il faudrait que je pose la question à Cheikh Falah Ismail, inshallah. D'accord? Moi, je traduis comme c'est. Hein? Mais je ne vous cacherai pas que je n'ai pas compris ce passage-là. Parce qu'il a dit, regardez, أنه رأى ربه بفؤاده مرتين. Qu'il a vu son Seigneur avec son cœur deux fois. Au récit, après, on va voir dans un instant qu'il a vu qui? C'est le même verset qu'il a cité. C'est quoi? Jibril alayhi salam. D'accord? Donc je poserai la question à Cheikh Falah, inshallah, et dans le prochain cours, j'essaierai de vous donner la réponse de ça. Ça va? عائشة سئلت قالت رضي الله عنها في حديث مسروق ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية منها ذكرت من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال مسروق أمهليني يا أم المؤمنين أليس الله يقول ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأه نزلة أخرى قالت له أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قالت ذلك جبريل رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض يعني ما رآه على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين فيراه قد سد ما بين السماء والأرض لعظم خلقه فالآية تعني رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. Donc Aïcha radiallahu anha wa ardaha, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle fut questionnée et elle dit, comme cela a été rapporté dans le hadith de Masrouq, trois choses. Celui qui t'en parle aura dit sur Allah un grand mensonge. Et parmi ces choses, elle cita, celui qui dit que Mohammed a vu son Seigneur aura menti. C'est qui a dit qu'il a, il a vu son Seigneur? Il y en a qui m'en a... Hein? Réponds d'abord comme ça et après... Hein? Toi, tu anticipes, c'est bien. Non, c'est bien, tu anticipes. Pourquoi? Parce que j'essaie de suivre un... Non, c'est bien, t'as anticipé. C'est quoi en fait? C'est que Ibn Abbas, il l'a dit oui, mais après on va voir qu'il a dit quoi? Avec une... C'est-à-dire que Aïcha, radiallahu anha, nafat, wa Ibn Abbas, athbata. Lekin, mada nafat, wa mada athbata. C'est ça. Qu'est-ce que Aïcha, elle a nié? Et qu'est-ce que Ibn Abbas, il a affirmé? Hein? Et on va voir que c'est quoi. Ouais, je vous donne comme ça, hein? Parce que je vois des grands yeux, là, je dis, oula, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est quoi? C'est que, Aïcha, qu'est-ce qu'elle a nié? La vision? Des yeux. Et qu'est-ce qu'Ibn Abbas, il a attribué, affirmé? La vision du cœur. Il y a une divergence entre Aïcha et Ibn Abbas. Radiallahu anhu jami'an, non. D'accord? Donc, je répète. Elle fut questionnée et elle dit donc, trois choses, celui qui t'en parle aura dit sur Allah un grand mensonge. Et parmi ces choses, elle cita, celui qui dit que Mohammed a vu son Seigneur aura menti sur Allah d'un grand mensonge. Qu'est-ce qu'il lui a dit Masrouq, sois indulgente à mon égard, ô Aïcha. Allah ne dit-il pas, et puis c'est la traduction du sens évidemment, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Et une autre traduction d'un autre verset, et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Elle lui dit, je suis la première de cette communauté qui questionna le messager d'Allah à ce sujet. Hein? Elle dit, c'est Jibril que le messager d'Allah a vu, comme l'a dit le messager d'Allah. Il l'a vu dans l'apparence avec laquelle Allah l'a créé, et ce, deux fois. Il l'a vu descendant du ciel, recouvrant ce qu'il y a entre le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il ne l'a vu dans l'apparence sous laquelle Allah l'a créé que deux fois. Et moi, je vous pose une petite question. Est-ce que le prophète, il a vu Jibril une autre fois? Quand? Hein? Hadith Jibril, qui quoi? Sous une apparence humaine, dans le hadith Jibril. Donc déjà, vous savez que il l'a vu une autre fois, mais sous une apparence quoi? Humaine. Et c'est quand il est venu pour le questionner sur, ou plutôt pour enseigner aux gens qui étaient autour du prophète Hassan sur l'islam, l'iman ou l'ihsan. Hein? Le hadith entier, on a l'explication chez Al-Abbad traduite sur notre site, en audio et en écrit. Alhamdulillah. Il l'a donc vu recouvrant ce qui se trouve entre le ciel et la terre, et ce en raison de son immensité. Alayhi salam. Hein? Ça prouve l'immensité et la grandeur de qui? De Jibril, alayhi salam. Le verset veut donc dire que le messager d'Allah a vu Jibril. La vision du prophète de Jibril. Le messager d'Allah su'ila ar-rasul comme fi hadith Abi Dar bil idafati ila hadith Aisha radhiyallahu anha qala nurun anna arah. Yani ba'id istab'ad an-nazar. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant ici pour restituer un peu? On a des paroles d'Ibn Abbas qui sont quoi? Mawquf, c'est-à-dire que c'est Ibn Abbas qui l'a dit. Et de qui encore? L'imam Ahmed. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous les deux? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur. On suit jusque-là. D'accord. Mais on a aussi deux personnes, des paroles qui sont restrictives. Qu'il a vu avec son cœur. Jusque-là, ça va. Alhamdulillah. Maintenant, on a hadith de qui? Aïcha radiallahu anha, qui est où? Dans quel livre? Le hadith. Tu as raison, on parle du verset, mais c'est quel hadith? Sahih Muslim. Numéro 176. D'accord? C'est dans Kitab l'Iman, en fait, le chapitre de la foi. Et qu'est-ce qu'elle dit, Aïcha radiallahu anha, sur ces versets-là, qu'il a vu quoi? Il a vu Jibril, alayhi salam, il l'a vu combien de fois? Deux fois, et il l'a vu sous la forme, sous l'apparence, sous laquelle Allah Azza wa Jalla a créé. Jusque-là, vous suivez. Maintenant, on rajoute un autre hadith. Et c'est pour ça qu'il a dit bil idafati ila dhalik. Mais on rajoute un hadith, c'est le hadith de qui? Abu Dharr. Abu Dharr, radiallahu anhu, bil idafati ila hadith Aisha. Donc vous aviez le hadith Aisha, on en a parlé dans Sahih Muslim, mais on a le hadith de qui? De Abu Dharr, radiallahu anhu. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui parle maintenant? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Nourun anna arah. Lumière, comment pourrais-je le voir? Suivez un peu ou pas maintenant? Hein? C'est-à-dire qu'il il a dit quoi? Lumière, comment pourrais-je le voir? Nourun anna yarah. Et dans les livres des salafs, qui sont dans les livres d'Aqida, qui sont rapportés avec des chaînes de transmission, avec des narrations avec des chaînes de transmission, vous trouvez ces chaînes de transmission-là. De toute façon, le hadith, il est dans Sahih Muslim également. Je vous donne la référence. 178. D'accord ? On continue. Le messager d'Allah fut questionné comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abu Dharr. Et ça, en plus du hadith d'Aïcha, comme on a déjà vu. Les deux sont dans Sahih Muslim, un 176 et l'autre 178. Il dit, alayhi salatu wassalam, lumière, comment pourrais-je le voir? C'est-à-dire qu'il a exclu cette vision de quoi? Non. Les deux chaînes de transmission qu'il a rapportées d'Ibn Abbas comportent toutes deux une faiblesse. Qui a rapporté ces chaînes de transmission? Non, c'est qui le shir? L'imam Ahmad. Dans quel livre? Si vous ne savez pas répondre à cette question, là, peut-être que je rentre chez moi parce que c'est le livre qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. On se le sunna, alhamdoulilah. Donc l'imam Ahmed, il a rapporté deux chaînes de transmission d'Ibn Abbas. Suivez ou pas? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi? Elles comportent toutes deux une faiblesse. Rapporté par Qatada, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Et il a rapporté Al-Hakam, Ibn Aban, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Al-Hakam, Ibn Aban, qui est dans la première chaîne de transmission, Al-Hafid ibn Hajar, vous connaissez Al-Hafid ibn Hajar? Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a fait comme grand ouvrage qu'on connaît par exemple? Fath al-Bari, qui est quoi? L'explication desquels sahih? Sahih al-Bukhari. Et il a fait aussi ce qu'on appelle Al-Taqrib. Et dans Al-Taqrib, il a dit que cette personne-là, Al-Hakam ibn Aban, est Sadouq, qui a des awham, qui a des erreurs. Awham, on va traduire ça comme erreur, mais retournez au livre des hadiths pour voir c'est quoi. Quand on dit Wahima. Et on va voir ce que Cheikh Al-Albani dit par rapport à lui aussi après, Inch'Allah. Et dans la deuxième chaîne de transmission, il y a Ali ibn Zayd ibn Jud'an, qui est Da'if. C'est quoi Da'if? Faible. On va traduire ça comme ça. Al-Hafid dans Taqrib a dit à son sujet faible. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit dans Silsilat al-Hadith Sahiha, sous le hadith numéro 168, ce qui est juste à son sujet, c'est que les savants sont en divergence à son sujet, mais l'avis le plus fort est qu'il est faible. Et c'est ce qu'Al-Hafid, rahimahullah, affirme dans Al-Taqrib. Mais il a été jugé faible en raison de sa mauvaise mémorisation. Et non pas à cause d'une critique de sa personne. D'accord? Ce genre-là, son hadith est jugé hasan. Même pour qui étudie le Bekounia? Une partie, la première page au moins. Il ne faut pas avoir peur, il faut lever vos mains, les frères. Tu connais? C'est quoi la définition du Hassan? Qui la connaît? Personne? Non? Personne dit personne, hein? C'est pas un problème. Hein? Retournez la définition du Hassan sur. Dans le Bekounia, Rahimahullah. Le Bekounia, c'est un livre de l'imam Al-Bekounia, Rahimahullah. Et c'est, comme Cheikh Al-Bukhari dit, et d'autres machirs, ils disent que c'est le premier livre en général que les débutants ils font dans Moussalah al-Hadith. Il fait combien de lignes? 34, 36, combien? Il fait 34 ou 36, si je me souviens bien. C'est bien parce que dans ce livre-là, il ne vous rapporte pas toutes les terminologies, comme dit Cheikh Al-Bukhari dans son explication d'Al-Bekounia. Il dit, mais il rapporte beaucoup, et donc Il y a un terme, et puis il explique. Il y a un terme, il explique. Un terme, il explique, etc. Et Charles Bukhari l'explique, et éventuellement, il corrige les choses à corriger, etc. D'accord? Et le livre, d'ailleurs, commence par la définition du sahih. Qu'est-ce qu'il dit, le veuillez connu sur le sahih? Il dit quoi? Hein? Bismillah, abda'u bilhamdi musallian ala nabiyin, ala khiri nabiyin ursila, wa awalu. Non, non. وكل أقسام ذي الحديث عده وكل واحد أتى وحده il est venu avec chaque catégorie il a défini hein وأو أولها la première catégorie الصحيح le hadith authentique et c'est quoi la définition du hadith authentique cinq conditions c'est quoi وهما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه ضابط عن مثله عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. C'est quoi les cinq conditions? C'est ittisal al-sanad, adam wujud al-shuzud ou l'ilal qadiha fi al-sanad, et c'est quoi? Aussi l'adl al-dabt. C'est cinq conditions. C'est pas le cours de Moussala al-Hadith ici, mais c'est juste pour dire que des fois, c'est intéressant, tout le temps, c'est intéressant de savoir les termes et de connaître ces termes-là pour quand on en parle, bien on sait de quoi on parle. Quand on dit Hassan, c'est quoi un Hassan? Hein? Hassan, ça fait partie du tout ce qui est sahih, mais il y a une différence entre le Hassan et le sahih quand même, d'accord? D'accord? C'est quoi le da'if, etc. À la Koulihan, on revient à ce qu'on disait. Où est jugé, donc on a dit il est jugé Hassan, où est jugé authentique, sahih. Si, on appelle idatubi'a. Alors ça, je ne veux pas le traduire parce qu'il faut revenir hein, à ce que ça veut dire, à la Koulihan. Il y a aussi dans cette chaîne de transmission, Yusuf ibn Mihran, qui est majhoul. Encore un autre terme dans le hadith. Hein? Yusuf ibn Mihran, il est inconnu. Il y a des gens qui vont dire, mais attends, il dit son nom, après il dit l'inconnu. Hein? Pourquoi? Parce que le jahala, elle est de deux types. Hein? C'est quoi? C'est que des fois, on ne connaît pas la personne et des fois, on ne connaît pas son hal, sa situation. Hein? Il n'a rapporté de lui qu'Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Elles sont donc toutes deux mawquf. Ces paroles sont toutes deux quoi? Mawquf. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça veut dire qu'elles ne sont pas dites par? Voilà. Ça va, c'est ça que je voulais que vous reteniez là. Hein? La parole mawquf qui s'arrête à Ibn Abbas est contredite par la parole qui est du prophète, alayhi salatu wassalam. Hein? Et lorsque le mawquf et le marfou' sont en opposition, auquel doit-on donner préséance? Marfou'. Mais déjà, ils vont dire, mais non, en fait, il n'y a pas de opposition, pourquoi? Parce qu'il a affirmé. Ibn Abbas, il a affirmé la vision d'une manière générale, absolue, d'un côté, et puis de l'autre, ah, avec quoi la vision du cœur. Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Et ceci, si on dit qu'il veut dire la vision des yeux. Vous voyez le débat ici? Hein? Si tu dis la vision des yeux, les deux Hassanides ont une faiblesse. Et ils contredisent la parole du prophète Hassan qui est marfou', d'accord? Hein? Vous comprenez un peu? Qui dit Nourun Anna Arah. Donc, ça c'est si on dit que c'est la vision des yeux. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a dit que Ibn Abbas, une fois, il a dit Mohammed, il a vu son Seigneur et il s'est tué. Et dans une autre riwaya, Mohammed a vu son Seigneur de, avec son cœur, de la vision du cœur. Bifouadihi ou biqalbihi. Bifouadihi. D'accord? Donc il dit cela en guise de concession. Il parle de qui ici? Ibn Taymiyyah. Vous vous souvenez, on parlait d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Hein? Il dit cela en guise de concession. Vous faites ça dans les débats des fois. Hein? D'accord, tu dis ça? Eh bien alors, admettons si tu veux. Admettons. Et tu prouves hein, que même si c'est ça, eh bien voilà. Vous comprenez ce qu'il est en train de faire ici? Hein? Ça va, je vois des têtes qui hochent, alhamdoulilah. Hein? Alhamdoulilah. Il dit cela en guise de concession. Sinon, ce qui est correct, c'est que cette généralité, s'il est établie, elle doit être restreinte pour le hadith authentique qu'il a vu son Seigneur avec son cœur. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a donc lui-même fait cette restriction de cette vision du prophète, alayhi salam, comme étant une vision du cœur. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, l'imam Ahmed l'a rapporté de manière générale et de manière restreinte. Et ce qui est correct, c'est quoi? La restriction, ahsant. Donc, il n'y a pas de divergence entre les compagnon. Donc les gens des passions qui répandent les divergences dans les fondements et les croyances disent, et les compagnons ont divergé au sujet de la croyance. Et je vous assure, on entend ça, ce n'est pas des choses théoriques, c'est des choses qu'on entend dans la vie tous les jours. Hein, par des choubouates parmi les gens d'innovation qui disent, non mais tu nous reproches de diverger dans la croyance. C'est autorisé, même sahaba, ils ont divergé. Est-ce que nous on accepte maintenant cela? Et il te cite quoi? Il dit, je te le prouve. Ibn Abbas, il a dit ça, et Aïcha, elle a dit ça. Et alors là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ils n'ont pas divergé? Tu dis, non. Pourquoi? Tu dis, est-ce que tu connais toutes les riwayats? Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas? Et tu discutes avec lui, comment on a fait maintenant? Et tu lui prouves. Sahih Muslim, le morfou, hein? Nourun anna ara, etc. Hein? Ru'ya bifuadihi. D'accord? Et Ibn Abbas, lui-même, il a une autre riwaya. Et Imam Ahmed aussi. Donc, est-ce que les compagnons ont divergé? Non. D'accord? Les compagnons ont divergé, ils disent quoi? C'est les gens de passion qui disent ça. Et les compagnons ont divergé au sujet de la croyance. Chiril dit, ceci est un mensonge. Ils n'ont pas divergé. Ah, attention les frères. Ça, c'est un point très important à comprendre. Les sahaba, radiallahu anhum ardaum, ils n'ont pas divergé dans les fondements de la religion, ils n'ont pas divergé dans la croyance. Aïcha radiallahu anha, regardez qu'est-ce qui, comment il conclut cette parole, tout ce chapitre, si vous voulez, cher Rabbi, c'est pour vous peut-être un résumé à écrire. Aïcha radiallahu anha a nié la vision des yeux. Ibn Abbas n'a pas affirmé la vision. J'ai dit n'a pas affirmé la vision des yeux, mais a affirmé la vision du cœur. Où est la divergence? Cher Rabbi, il dit, il n'y en a pas. Vous comprenez, il dit, cher Rabbi, araftum, hein? Et il conclut à ce sujet en disant, c'est cher Rabbi qui rapporte la parole de qui? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Parce qu'on explique la parole de l'imam Ahmed. Et le hadith est chez nous dans son sens, tu as raison, c'est l'imam Ahmed, c'est lui qui a raison. Et le hadith est chez nous dans son sens apparent. Il se peut qu'il soit compris de lui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur de ses yeux. Regardez comment quelqu'un peut dire, ouais mais attends, qu'est-ce qu'il a dit ici l'imam Ahmed? Hein? Ala zahirihi. Ra'a rabbahu ala zahirihi. Hein? En se basant sur le hadith d'Ibn Abbas. Et vous avez vu que le hadith d'Ibn Abbas, ce qu'il s'est dit à son sujet, et qu'il n'arrive pas au degré d'authentique. Il se peut qu'il n'arrive pas au degré de Hassan. Et ensuite, il est restreint par le hadith authentique. On porte donc l'absolu sur le restreint. Il a dit pour les frères arabophones, il a dit, il a dit quoi? Il a dit, فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ الْمُطْلَقَ عَلَى التَّقْيِيدِ Barakallahu fikum, wa takun natijatu annahu la khilafa fil qadiyyati bayna as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Il dit donc, on porte l'absolu sur le restreint, qu'Allah vous bénisse. Et le résultat est qu'il n'y a pas de divergence sur ce point entre les compagnons. En ce qui concerne certains parmi ceux qui sont venus après, ce qu'on appelle en arabe al-muta'akhirun, eh bien, ils ont été influencés par la parole de l'imam Ahmed et ont pensé qu'il a dit que Mohammed a vu son Seigneur de ses yeux. Ils ont lu la parole de Mohammed, ils ont dit quoi? Ra'a Mohammed, al-Nabi, Rabbahu. Ils ont dit quoi? Ben, c'est la vision des yeux. D'accord? Et cette compréhension est erronée, car Ahmed lui-même, rahimahullah, il a fait quoi? La restriction. On arrête là. J'espère que c'est clair. Hein? Wallahu a'lam wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.